Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette première émission de la saison 2016-2017 de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Je suis évidemment content, heureux d'être de retour sur les ondes du 89.1. Dans le contexte de cette émission consacrée entièrement au 9e art, à la bande dessinée, sous toutes ses formes, avec quelques dérivés également sur lesquels on portera regard au fil de la saison. Cinéma d'animation, illustration jeunesse, entre autres éléments. Mais évidemment, le cœur, le corps de l'émission, elle est consacrée à la bande dessinée. On verra si on atteint les scores de la saison dernière avec pratiquement quoi 80 entrevues, 80 rencontres qu'on a eu le plaisir de proposer avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Alors on verra qu'est-ce que l'année nous réserve, mais déjà énormément d'albums qui apparaissent avec la rentrée sur les étals de nos libraires. Et évidemment, de ces albums, il y en a toujours beaucoup de productions québécoises. Alors, beaucoup de productions québécoises sur lesquelles on aura le plaisir de s'attarder tout particulièrement au fil de la saison et au fil de l'émission. Et en parallèle également, un peu de rattrapage. Rattrapage parce que, disons que la saison, la rentrée littéraire, ben, elle a quand même commencé au fil du mois d'août. Évidemment, dans les premières semaines, on en profitera aussi pour porter un regard sur des albums qu'on avait échappés de parution d'avril, de mai et de juin dernier également. Et pour cette semaine, on y va quand même avec des sorties relativement récentes. Une sortie de début d'été, en fait, qui est arrivée du côté de les arènes BD qui s'appelle « Les 9 derniers mois de ta vie de petit con ». C'est de Cookie Calcaire, une chronique de l'attente de la paternité, de la grossesse, mais vécue du point de vue de la femme, vécue du point de vue du père. Alors, c'est un regard qui est assez intéressant, sur lequel on avait envie de s'attarder. L'auteur est en plus à Montréal, alors on en profite doublement. Alors, ce sera en deuxième moitié d'émission. Deuxième moitié où on parlera donc de paternité et de grossesse, mais aussi où on parlera d'intime et d'érotisme. Donc un regard sur l'intérêt peut-être de la BD érotique et sur les grands noms de ce type de littérature avec Michel Giguère, spécialiste de bande dessinée, animateur des rendez-vous de la BD. Et en première partie d'émission, en quelques instants, on aura le plaisir d'échanger avec Réal le Godbout, donc 8e tome de Red Ketchup qui a été réédité en août dernier du côté des éditions de la Pastèque. Ça vient mettre un terme, si on peut dire, à cette entreprise de réédition qui avait été amorcée il y a quelques années du côté de la boîte d'édition, justement, et en route vers un 9e tome qui, lui, est déjà à moitié achevé puisque c'était l'album 8.5, si on pourrait dire. Alors, bon, donc, on reviendra sur l'expérience, sur le travail de réédition des albums de Red Ketchup et on en profitera pour parler de ce personnage incontournable de la bande dessinée québécoise. Alors, ça, c'est le menu pour aujourd'hui. Et avant de se lancer vers les entrevues, eh ben, faut revenir aussi sur d'autres éléments de l'été et on a toujours des segments actualité ici à La Vie en BD. Alors, premier segment actualité qui sera consacré un peu à la rubrique nécrologique estivale. Ça a été un été assez triste pour les amateurs de bandes dessinées. Un été assez triste qui a commencé en juillet dernier avec la disparition de Didier Savard, dessinateur dans la presse à partir des années 70. Il a rencontré en 82 Nikita Mandrika, rédacteur en chef de Charlie Mensuel et, Monsieur Mandrika lui a proposé le scénario de Dick Hérisson, très influencé par le Harry Dixon de Jane Ray, projet qui est accepté, publié dès 83. Évidemment, par la suite, d'autres albums sont sortis. Savard qui a eu moult récompenses également. Donc voilà, donc première disparition de cette saison estivale. Ensuite, le lendemain, c'est l'épouse de Peyo, Nin Culliford, de son vrai nom, Janine Devra, qui est décédée donc le 5 juillet à 86 ans en Belgique. Elle était aussi la coloriste attitrée de Peyo. C'est elle qui avait trouvé, entre autres, l'idée de colorier en bleu les Schtroumpfs qui étaient nés en 1958. Et après la mort de son mari en 92, elle avait continué d'assurer les couleurs des petits bonhommes bleus pour le studio de ses enfants Thierry et Véronique. Un peu plus tard, en fait, le 9 juillet, ben, on était chaud au cœur ici au Québec avec la disparition beaucoup trop tôt d'une créatrice vraiment très solide, Geneviève Castré, auteur de bande dessinée qui avait 35 ans seulement. Après avoir participé à plusieurs fanzines entre 96 et 2000, publié plusieurs albums aux éditions montréalaises Loi de Cravane comme Les Frappés, Roulatec Nicolor, elle avait sorti Susceptible en 2012 chez L'Apocalypse, un album qui lui avait valu d'ailleurs d'être nominé aux Shuster Awards, les prix canadien de la bande dessinée. Dans ce récit autobiographique d'une jeunesse dans le Canada des années 80-90, Geneviève Castré décrivait ses relations tendues avec sa mère et raconte son départ à 15 ans pour retrouver les traces de son père punk disparu. Un très très bel album d'ailleurs, si vous l'avez pas lu, je vous encourage fortement à y jeter un coup d'œil. Ensuite, 16 juillet, Carlos Nin est décédé près de Buenos Aires en Argentine, 72 ans, peintre, sculpteur, réalisateur de films d'animation, est également auteur de bandes dessinées. Ses premières histoires étaient parues en France dans L'écho des savanes, puis publiées en 91 par Albin Michel, notamment avec Le canard qui aimait les poules, un canard marxiste obsédé par la genre féminine, avait reçu l'alfard du meilleur album étranger à Angoulême en 2001. Il avait également dessiné Pampa avec Zentner et le 8e tome de Donjon Monster avec Sphar. Ensuite, on passe maintenant un peu plus tard, donc à la fin du mois de juillet, 27 juillet, à 91 ans, c'est le dessinateur Jack Davis qui nous a quittés. Il avait commencé, lui, à travailler pour EC Comics dès 1950, illustrant de nombreuses histoires, des bandes dessinées horrifiques à des bandes dessinées humoristiques, en passant par la science-fiction, des drames de guerre. Lorsque l'éditeur a créé le magazine satirique Mad en 52, Davis y participe. Il va raconter notamment des parodies de récits d'horreur comme Haunt of Fear et Tales for the Crypt et Vault of Horror. Il a également mis en place la Comics Code Authority, une organisation de régulation des contenus des comics qui interdit notamment les comics d'horreur, qui va l'obliger donc à dessiner, à se tourner vers d'autres éditeurs par la suite. Alors voilà, il est entré au Will Eisner Hall of Fame en 2003. Sinon, Richard Thompson, également décédé le 27 juillet en Virginie, mais connu en France et du côté européen, avait notamment reçu plusieurs prix, un Eisner Award, entre autres pour son cul-de-sac, un comic strip créé en 2004, diffusé par le Universal Press Syndicate dans près de 150 journaux, qualité d'une série qui avait été d'ailleurs saluée à l'époque par Bill Watterson et Art Spiegelman, entre autres. Ensuite, c'est Guy Decicy, 29 juillet à 92 ans, qui lui était entré comme coloriste au studio d'Hergé en 47 et qui était le cofondateur en fait du Centre belge de la BD, c'est sa grande œuvre. Et enfin, heureusement, en fait, ça en fait déjà beaucoup, Victor Mora, qui lui est décédé le 17 août à Barcelone, à 85 ans, écrivain, scénariste. Sa carrière en bande dessinée a commencé en 1948, alors qu'il prenait la relève de Rafael González Martínez et Francisco González Ledesma dans la série Docteur Niebla. Ensuite, en 56, il va imaginer les aventures de nouveaux personnages durant les croisades au Moyen-Âge, le capitaine Trueno, et évidemment, votre travaillé aussi pour de nombreux magazines comme Valiant, Pif et Pilote. Alors voilà pour ce qu'on pourrait considérer comme une rubrique nécrologique estivale, malheureusement. Alors, on prend le temps d'absorber tout ça avec une petite pièce musicale de notre formation qui nous accompagnera au fil de l'émission d'aujourd'hui. Il s'agit de Narcade avec leur album 27 Summers. On en écoute un premier extrait. Thank you. vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD au 89.1 CKRL. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. On essaie évidemment de vous relayer un maximum d'informations autour de la sphère de la bande dessinée. Et en fait, 8e tome de la série Red Ketchup qui a été réédité, c'est arrivé au cours du mois d'août du côté des éditions La Pastèque. On avait envie de parler du 8e tome et de la série, d'en reparler un peu avec son dessinateur, Réal Godbout, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Alors, en fait, Red Ketchup, qui a repris sa place, on pourrait dire, sur les étals des libraires au fil des dernières années, peu à peu. Je rappelle que La Pastèque a réédité les 8 récits complets créés pour Red Ketchup. Essentiellement, dans le matériel existant, il ne reste plus que les 20 premières planches d'Elixir X à être rééditées, mais et complétées aussi. Donc, on a complété presque l'entièreté du matériel existant. Effectivement, le 8e album, donc, Red Ketchup en enfer, qui vient de paraître, C'était le dernier qui avait paru au complet dans le magazine Pro. Puis Elixir X, c'était donc le 9e, ce sera le 9e album qui avait été arrêté à mi-chemin. Donc, puis on s'était dit il y a longtemps alors qu'on procédait à la réédition à La Pastèque, quand on arriverait au 8e album, ou un peu avant, on finirait le 9e. Donc, je suis en train de travailler là-dessus, donc il me reste juste quelques pages à compléter pour qu'ils sortent l'année prochaine. Est-ce qu'on a l'impression que ça fait du bien, en fait, au moral peut-être, au moral du créateur aussi, de dire, ben voilà, la série est de nouveau intégralement disponible et on a pu compléter, en fait, boucler, ou on est en voie de compléter, de boucler ce qui restait à faire aussi, ce qui avait déjà été amorcé? Oui, bon, on a fait le tour, là, je dis, après quelques années, là, il reste juste... Là, ben, on se demande, là, est-ce qu'il va savoir une... Ben, il y a au moins le 9e album, parce qu'il va y avoir une suite plus tard. Là, c'est comme une autre époque déjà. Mais en tout cas, d'après les réactions, la perception que les gens ont de Red Ketchup, de la série, ça fait quelques années, mais tout le monde me dit que c'est encore d'actualité, le personnage a encore sa raison d'être. Donc, c'est sûr. Donc, on a pratiquement fait le tour des éditions de la série originale. Et est-ce que ça, j'imagine que ça vous donne aussi une opportunité de replonger un peu dans le travail que vous avez fait à l'époque, de relire un peu. Comment ça se passe d'ailleurs, la dynamique de réédition? Est-ce que y a un certain travail qui est fait au niveau de la couleur ou des choses comme ça pour s'assurer de la meilleure qualité possible? Ou? Oui, il y a pas beaucoup de il peut y avoir des corrections mineures dans le texte, mais c'est très rare. Il n'y a pas de changement comme tel dans le contenu, sauf c'est ça, des ajustements des fois juste pour la vu que j'ai la possibilité, une fois les pages scannées, j'ai eu la possibilité de faire des ajustements sur l'ordinateur, par exemple pour la mise en couleur, la netteté du trait, des trucs comme ça, c'est vraiment technique. C'est quand même un travail qui peut être relativement important, mais c'est purement de la cuisine. Là. Puis pour le reste, le contenu, on n'a pas choisi de dire on va tout refaire comme Hergé a fait avec ses vieux albums. Il n'y a pas question de ça pour nous autres. Le contenu est à peu près le même. Et justement, en fait, dans certains cas, vous l'avez dit, en fait, ça de manière générale, ça a très bien vieilli, mais il y a des moments où on se dit, en fait, Red Ketchup, il va quand même loin dans le côté humour noir, dans le bon mauvais goût aussi, si on peut dire. Est-ce qu'on arrive à assumer tout ce qu'on a proposé il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 25 ans? Oui, il y a des choses, c'est peut-être des choses que je ferais plus aujourd'hui, parce que question de rectitude politique, malgré tout. Il y a des choses qu'on ferait peut-être plus, mais c'est nos péchés de jeunesse, donc on les assume sans problème. Il y a une scène, entre autres, qui était... En fait, c'est pas dans la série Michel Risk, dans la série Red Ketchup, c'était dans Michel Risk, une scène d'inspiration sadomasochiste. C'est un gag qui est assez drôle, mais qui est de très mauvais goût. Qui pourrait être vu comme misogyne, même si c'était pas l'intention, là, parce qu'on n'a jamais été misogyne de notre vie, en tout cas. Donc c'est un gars qui était très mauvais goût, puis des fois on le regrette, mais en même temps on se dit bon, on va vivre avec, on l'a fait, puis il n'était pas question de le censurer. Sauf que dans Elixir X, le même gag est repris, mais comme inversé. C'est une façon de se de se déculpabiliser. En tout cas, on verra quand l'album sortira, mais en tout cas. Et d'ailleurs, vous l'avez mentionné, en fait, Red Ketchup, si on remonte un peu à la genèse du personnage, pris naissance, c'est un personnage secondaire, en fait, dans Michel Risque, début des années 80. Qu'est-ce qui vous avait amené, vous et Pierre Fournier, à dire, ben OK, ce personnage secondaire-là, il y a de l'étoffe pour en faire un personnage central, pour en faire un anti-héros? Ben, c'est la réponse des gens du public, des gens de crew, puis des lecteurs, puis... puis peut-être l'intérêt qu'on avait en fond, c'est un personnage secondaire dans la série Michel Risque, mais il vivait des aventures presque toujours en parallèle. Donc Red Ketchup était assez présent dans la série Michel Risque, mais les deux se rencontrent presque très très rarement. Donc il y avait, c'était déjà comme une série dans la série, il y avait comme des histoires en parallèle, donc ça devenait naturel de lui faire vivre ses propres aventures. Puis il y avait une demande pour ça, puis on dit on va expérimenter. Puis c'est un curieux personnage, parce que c'est un personnage absolument détestable, mais qui a une espèce de charisme inexplicable, de charme. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est, disons que par exemple, on peut parler d'anti-héros, mais Michel Risque est un anti-héros, mais pas pour les mêmes raisons. Michel Risque est un anti-héros parce que c'est un loser. Tandis que Red Ketchup, c'est un anti-héros parce que c'est un écœurant. Bon, deux extrêmes. Je partage pas du tout les valeurs qu'il défend, au contraire. Mais évidemment, c'est tout le deuxième degré, l'ironie, la satire. J'espère que les gens l'ont compris. Oui, je pense que oui, avec les années, les gens l'ont perçu et c'est né justement beaucoup dans... J'ai l'impression que ce qui fait peut-être aussi que le personnage a bien vieilli, c'est né dans une satire de l'obsession guerrière américaine à l'époque du communisme. Et aujourd'hui, on trouve encore cette obsession guerrière-là. Elle est plus dans une guerre contre la terreur, pour reprendre des mots d'un ancien président, mais elle est toujours présente. Donc, ce qui fait que les thèmes que vous avez abordés jadis, vous pourriez les aborder presque de manière identique aujourd'hui. Là. Effectivement, je veux dire, si par exemple on pourrait il y avait dans certains, de toute façon Red Ketchup c'est pas juste ça là, mais entre autres surtout mes premiers albums, cette obsession anticommuniste qu'on était présente, on peut remplacer communiste par islamiste, puis on aurait les mêmes histoires ou à peu près là. C'est certain, puis si on faisait des histoires aujourd'hui contemporaines, est-ce qu'on traiterait ces sujets-là? Mais il y a cet aspect-là de satire politique dans Red Ketchup, mais il y a aussi beaucoup d'autres. Il y a un côté histoire policière. Il y a des éléments fantastiques qu'il ne faut pas négliger. C'est quand même très important. On rentre dans des mondes de l'imaginaire. D'autant plus présent dans l'huitième, où on l'amène carrément en enfer. Ben, donc... Exactement, c'est ça. J'y arrivais. Là. Red Ketchup en enfer, ça se passe en enfer. Donc, Red Ketchup meurt au début de l'album. Et puis il se retrouve en enfer. Puis lui, il s'imagine, il comprend pas pourquoi il est en enfer, parce que lui, il est convaincu d'être un bon, d'avoir Dieu de son côté, puis c'est un bon Américain qui fait son devoir. Mais il comprend pas pourquoi il est en enfer. Donc il l'accepte pas. Et puis il y a cette histoire-là. Puis il y a sa sœur Sally, qui est très importante aussi. Qui se demande qu'est-ce qui est arrivé de Red Ketchup puis de son frère, puis qui essaie de communiquer avec lui. C'est que question de il y a un peu de spiritisme là-dedans. Il y a beaucoup de thèmes religieux, mais à la sauce Red Ketchup. Toute l'imagerie, mais c'est traité. C'est l'enfer, mais traité de façon très très fantaisiste. Puis il y a un élément satirique. Puis encore là, à travers ça, c'est l'enfer qu'on décrit là-dedans, c'est une espèce de... C'est pas le l'horreur absolue, c'est pas le mal absolu. Nous autres, on voit pas les choses comme ça. Là. C'est plus une espèce d'univers décadent, puis qui est un peu le reflet de notre monde aussi. Puis il y a la relation particulière de Lucifer qui a pris Red Ketchup en affection, puis pour lui faire plaisir, il le nomme chef du service d'ordre en enfer. C'est là que il commence à avoir du trouble avec ça, parce que les démons l'acceptent mal, de se faire imposer un service d'ordre. Il y a une révolte des démons. En tout cas, je ne raconterai pas toute l'histoire. Mais en gros, ça tourne autour de ça. Et pour bâtir cet univers-là, vous l'avez mentionné, donc on va chercher un peu dans la perception, on réfléchit un peu à ce que pourrait être l'enfer, à ce qu'on imaginerait que ce soit, donc le côté décadent. Est-ce qu'on fait un peu de recherche où on se dit que c'est tellement une imagerie qui est populaire et qui est présente dans toutes nos pratiques artistiques et dans toute notre éducation, qu'on y voit un peu, avec l'instinct qu'on a et la perception qu'on en a? Oui, il y a la vieille tradition religieuse, puis l'image qu'on avait quand on était petit. Puis moi, comme je suis assez vieux, j'ai connu une éducation religieuse, la peur de l'enfer quand j'étais petit gars. C'est sûr, des jeunes aujourd'hui, ça le parle peut-être moins autant, mais... Il y a toute l'imagerie, puis encore là, ça va dans la tradition judéo-chrétienne, mais ça va chercher dans les mythes, la mythologie païenne, ça va chercher dans différentes cultures. Il y a même des références au vaudou qui sont assez importantes dans l'histoire aussi. C'est sûr qu'en faisant ça, on y va, c'est purement fantaisiste, c'est un monde imaginaire, mais même quand on manipule des notions imaginaires, ben, il y a un peu plus de travail de recherche. Mm-hmm. Qui se fait dans l'histoire de l'art, il y a des références à Bruegel, à Bosch, à Dürer, à Duropio, et ainsi de suite, là. Puis à Hellboy aussi, mais ça, c'est plus récent que nous autres, je pense, en tout cas. Et Réal Godbout, justement, on l'a mentionné au départ, les premiers albums qui étaient plus centrés justement sur l'idée de la menace anticommuniste, et tranquillement, ensuite, il y a des nouveaux éléments, des nouveaux décors aussi, des nouveaux endroits. Donc, l'idée, c'était un peu de donner toujours plus de liberté, peut-être, pour garder un esprit de renouveau, peut-être, par rapport à la série, quand vous étiez à l'époque en train de la lancer de manière originale. Donc, de se dire, bon, OK, au septième tome, on explorait peut-être un peu plus l'univers des banlieues, l'univers kitsch, l'idéologie autour d'Elvis, du King. Mais OK, là, on tombe dans l'enfer, on l'a amené au Japon un peu avant, etc. Ben, on n'a jamais voulu se confiner à un genre en particulier. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit peu de, il y a un peu de comédie, il y a un peu de satire, il y a de politique et sociale, il y a un peu de policier, il y a un peu de fantastique, il y a un peu de science-fiction. Tout ça venait, dans le fond, puis on se donnait aucune limite. Puis, dans le fond, un peu notre propos quand on écrivait l'histoire de Red Ketchup, c'était de jusqu'où on peut aller trop loin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a fait aller en enfer. Je ne sais pas s'il était possible d'aller encore plus loin que ça, mais... on l'a voyé partout, puis il était indestructible, le personnage. Puis, d'ailleurs, c'est pas juste comme exploiter un personnage. OK, Red Ketchup, c'est un policier fasciste, anticommuniste, hein, bon. Si on se gardait juste, si on se contentait juste de ça, ça pourrait devenir répétitif. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'on explore des univers différents, puis on fait intervenir des personnages différents aussi, parce que dans Red Ketchup, ben, il n'y a pas juste Red Ketchup, il y a des personnages qui l'entourent. Il y a des personnages forts autour de lui. Il y a sa sœur, il y a le docteur Kunt, le savant fou nazi. Il y a d'autres personnages qui passent juste dans une histoire. Il y a plusieurs personnages comme ça. Puis il y a des intrigues, là. C'est que c'est pas juste de la satire. Il y a comme ce qui m'a frappé, d'ailleurs, en relisant Elixirix, pas Elixirix, mais Red Ketchup en enfer, comme... Une fois l'album imprimé, je l'ai pris, je l'ai regardé, je l'ai lu du début à la fin, comme si j'étais un lecteur, un nouveau lecteur, donc 20 ans plus tard et 24 années plus tard. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai quand même un certain recul, là, je disais comme lecteur, parce que ça fait des années. Ce qui m'a frappé, c'était que malgré le contexte, le rythme du récit qui est complètement délirant, complètement éclaté, c'est un récit qui est très bien ficelé. Puis qui s'enchaîne très bien, puis je me suis surpris moi-même, mais il y a pas de temps mort dans le récit, mm-hmm. Tout s'enchaîne, c'est complètement invraisemblable, mais il y a une structure logique, puis le récit, j'ai l'impression, en tout cas, du début à la fin, s'enchaîne très bien, ça déboule tout le long, puis... C'est servi, en fait, peut-être par comme vous dites, la force des personnages, en fait, votre personnage principal qui est fort, qui est campé, la galerie de personnages qui est autour pour lui donner la réplique, pour faire avancer l'intrigue qui est forte, avec un esprit absurde, déjanté, un esprit un peu, un rythme emprunté au film des années 80, là, où ça avançait, ça va rapidement, et il y a un peu de ces éléments-là aussi, j'imagine, qui ont été présents dans la construction à l'époque de la série. Oui, mais ça a toujours été notre façon de faire. Là. Puis, quand on parle du rythme particulier aussi, comme ça paraissait en feuilleton dans un magazine à raison de 4 pages par mois, pour donner assez de matériel au lecteur à chaque numéro, donc on était forcément, il fallait avoir un rythme rapide, on peut pas prendre le temps de s'attarder, soit sur une scène de contemplation, montrer un coucher de soleil pendant 2 pages, on ne peut pas faire ça, parce que dans un feuilleton, on ne peut pas faire ça. Ou même une scène d'action, une poursuite en voiture une poursuite en voiture qui dure sur 3 pages, ou une scène de bagarre sur 3 pages. Quand tu as 4 pages pour avoir ton épisode, 4 pages par mois, ce serait du temps perdu. Donc, si une scène de bagarre, c'est 2 cases, ou à peu près, là, je veux dire, ça dépend. Des fois, on peut se permettre de s'étendre un peu plus, mais il y a toujours ce rythme-là qui est propre au feuilleton. Et est-ce que pour Elixir X, le fait de ne pas le réaliser dans un contexte de feuilleton, est-ce que ça vient rendre différent peut-être le défi du rythme, justement? On a essayé de conserver le même rythme. Donc, la façon dont on fonctionne, Pierre Fournier et moi, pour la scénarisation, on fonctionnait dans le temps, on s'encontrait une fois par mois, on avait un brainstorming, puis là, je prenais des notes, puis je partais avec ça, puis là, je mettais ça en ordre, puis je dessinais l'histoire, puis l'épisode. Donc, c'est un peu improvisé, parce qu'à chaque mois, on était susceptible de on avait un plan d'ensemble un peu, là, de la direction générale de l'histoire, mais on se donnait la possibilité d'improviser un peu à chaque mois. Cette année, maintenant qu'on travaille sur Elixir X, sur la deuxième moitié d'Elixir X, on essaie de faire en sorte que le rythme, le style soit les mêmes. Donc, on travaille pas aussi vite parce qu'il n'y a pas l'apparition en feuilleton, il n'y a pas de magazine au bout, là, qui à chaque mois. J'ai pas d'échéance, de deadline à chaque mois, mais on a essayé d'y aller épisode par épisode, un peu comme on faisait dans le temps. Donc, je pense que, en tout cas, la deuxième moitié d'Elixirix devrait être en continuité naturelle avec le début. J'ai essayé de m'arranger pour que qu'il n'y ait pas de rupture dans le ton, dans le style. Mais je pense que les lecteurs pourront juger, là, mais moi j'ai l'impression que ça s'enchaîne naturellement, puis qu'on sent pas le passage du temps, même si c'est une vingtaine d'années. Et moi, je trouve en fait que même ça donne une motivation additionnelle de dire OK, on en replonge dans les 8 tomes qui ont été réédités, dans l'8e qui vient tout juste d'arriver aussi, en sachant que il y en a un nouveau et qu'il y a du matériel qui n'a jamais été lu ou vu par qui que ce soit, à part les auteurs et probablement l'éditeur, qui va nous arriver très bientôt. Ben, ça va être la première fois qu'il va y avoir des pages totalement inédites qui vont paraître. Parce que c'est sûr que là, si on sort un album aujourd'hui, les gens n'ont pas nécessairement accès aux vieux numéros de Crow, mais je veux dire, ça a déjà quand même perdu une fois, tandis que là, c'est complètement inédit. En fait, on avait 22 pages réalisées à l'époque, mais il y en avait juste 16 qui avaient paru quand le magazine a cessé de paraître. Donc, tout le reste est inédit. On laisse la surprise au lecteur. Des fois, je mets des petits hints là, sur Facebook, mais ça donne pas trop. Et en terminant, Réal Godbout, dernière question. On l'a mentionné, on était au 8e tome qui a été réédité. Est-ce qu'on a l'impression que la réédition qui a été faite ces dernières années a donné offert une extension, une deuxième vie peut-être à la limite à Red Ketchup, à la série? Bien là, c'est sûr, effectivement, c'est une deuxième vie, même une troisième, parce qu'il y a eu les albums. Ben même, Red Ketchup a eu plusieurs vies. Il y a eu les albums originaux, il y a eu l'apparition originale d'Encro, les albums à l'origine, il y a eu 3 albums, les albums des rééditions de la pastèque et les intégrales, c'est que ça fait à chaque fois, c'est comme une nouvelle vie, puis ça touche à chaque fois un nouveau public, puis je regarde les gens qui suivent la série, il y en a, c'est des nostalgiques de l'époque de Crow, mais il y a beaucoup dans les lecteurs, j'ai plus qu'on a une séance de signature, par exemple, on peut constater un peu à quoi ressemble le lectorat. Des gens dans la jeune trentaine qui étaient enfants ou qui étaient à peine nés là, quand c'était à l'époque de Crow. Il y a beaucoup des lecteurs, donc je pense que c'est des nouveaux lecteurs. Donc je pense que ça donne encore vie au personnage, puis qui nous a jamais complètement quitté, ce personnage-là. Il a toujours été très présent, même s'il n'y avait plus l'apparition dans le magazine. J'ai jamais cessé de le dessiner, ne serait-ce que des dédicaces ou des affiches, toutes sortes de trucs, en tout cas, en lien avec Red Ketchup. Il a toujours été très proche, donc il n'est jamais mort. Même si on était mourir dans l'huitième. En affaire, mais ça, c'est juste dans l'huitième. Réal Godbout, merci beaucoup. Ouais, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Voilà, je rappelle, on échangeait avec Réal Godbout, qui est dessinateur de la série Red Ketchup, scénarisée par Pierre Fournier, et huitième tome qui a été réédité, c'est tout récent, en août dernier, du côté des éditions La Pastèque. Avant de passer à la prochaine entrevue, peut-être petite mention d'un album, un coup de cœur récent de mon côté, L'homme qui tua Lucky Luke. Alors, qui répond à la grande question, qu'est-ce que poussait Lucky Luke à arrêter de fumer un peu après Fingers? Parce que oui, dans la petite histoire de la série, c'est la demande de divers lobbies anti-tabac que Lucky Luke avait arrêté de fumer, mais dans le canon de la série, qu'est-ce qui explique que le cow-boy solitaire a mis de côté la cigarette? Je me souviens d'avoir lu quelque part que c'était à la première idée, l'amorce de Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, le premier souffle qui avait mené donc à L'homme qui tua Lucky Luke chez Dargo. Évidemment, tout ça est un flash de départ. L'album, lui, s'ouvre sur un drame. Lucky Luke est tendu au sol, mort ou mourant suite à un duel déloyal. Dès les premières cases, on est tapé, on est intrigué. De cette amorce, on se retrouve en flashback. Donc, Lucky Luke qui arrive un soir de pluie à Froggy Town. Lucky Luke qui, précédé par sa réputation, se voit défié par un fanfaron qui s'avère être le shérif local. Peu à peu, le héros de Morris et Goscinny est happé par une intrigue à saveur policière, visant à dénouer le mystérieux vol d'un coffre d'or appartenant aux résidents du coin. Tout ça ponctué de la quête de tabac de Luke, de la montée de stress qui accompagne son absence. Alors, au fil des pages, on découvre un hommage à ce héros incontournable à bande dessinée, un récit ancré dans le passé, dans la mythologie du personnage. Cela tout autant qu'on découvre, entre guillemets, le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, qui, à travers cet hommage-là, s'approprie, à mon sens, de superbe façon, l'univers de Morris. Le ton est plus sérieux que dans la série d'origine, et ça marche. Le trait rappelle celui de Morris, mais sans limiter les panoramas de l'Ouest à l'incontournable duel final, et ben on est tout simplement séduit. Alors, au terme de cette lecture-là, je ne peux dire qu'une chose, L'homme qui tua Lucky Luke est réussi entièrement. C'est un album superbe, solide, qui vaut largement sa lecture, tout particulièrement pour les amateurs du cowboy. Alors, c'est un album qui est à lire. Et voilà, toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. On écoute un autre extrait donc de Narcade avec leur album 27 Summers. Et je vous rappelle également, vous pouvez toujours trouver d'autres informations, d'autres regards sur la bande dessinée qui est portée par l'équipe de l'émission, notamment sur le blog La Vie en BD, donc sur voir.ca/Raymond-Poirier. Et on porte maintenant un regard sur un album qui est arrivé en début d'été. On est un peu en mode rattrapage. On tenait à vous en parler. On est bien content de pouvoir vous en parler en plus au première émission de la saison. Alors, il s'agit des neuf derniers mois de ta vie de petit con de Cookie Calcaire. C'est du côté des arènes BD. Cookie Calcaire, bonjour. Bonjour. Et alors, au départ, en fait, cette bande dessinée-là, c'était pas un projet d'album, mais c'était plutôt un projet de blog. Ah oui, ça a commencé sur le web, oui. J'ai commencé à dessiner une fois par semaine la progression de la grossesse de ma femme et puis de les poster online et puis de voir ce que ça donnait. Et c'est ensuite qu'un éditeur m'a contacté pour en faire un livre. Est-ce que le fait justement de se dire, OK, on commence avec simplement un blog qu'on fait sans nécessairement le diffuser à la planète entière, est-ce que ça permet de se livrer peut-être un peu plus facilement, sachant qu'il n'y aura pas nécessairement ou qu'on part pas avec en tête le projet d'album qui a été éventuellement associé à ça? Je pense qu'effectivement, ça met moins de pression, mais c'est quand même... Ben, sur les internets, on parle quand même au monde entier, et puis j'ai assez vite reçu des courriers d'un peu partout... de la France, de la Belgique, de papa ou de couple qui m'écrivait, et puis ça c'était un signe que la thématique et puis que l'approche était intéressante pour d'autres gens, donc c'était rassurant aussi. Et qu'est-ce qui vous avait donné envie justement de dessiner votre regard sur la grossesse au départ? Pourquoi avoir choisi de s'exprimer peut-être un peu là-dessus et de le faire par le dessin? Alors, principalement parce que quand ma blonde m'a annoncé qu'elle était enceinte, elle, en 2-3 jours, elle s'est équipée avec 4 livres sur la grossesse, 2 apps sur son téléphone qui l'aidaient à voir l'avancée, etc., etc. Et puis moi, j'avais pas grand-chose. Dans tous les livres qu'elle achetait, il y avait toujours une page sur le père. Puis en gros, la page, elle disait « bah ça va bien aller, accroche-toi ». Et puis je trouvais ça un peu léger. Du coup, je me suis dit « bah s'il n'y en a pas, je vais le faire ». Puis j'ai décidé de faire ça entre un journal intime et un guide. Donc il y a à la fois des trucs pratiques ou des trucs très médicaux et puis aussi pas mal d'expériences personnelles. Après, le faire dessiner, bah, c'est principalement parce que c'est mon mode d'expression le plus facile pour moi et le plus facile à communiquer avec d'autres gens, en fait. Et donc, on se dit, OK, on va faire quelques pages à chaque semaine. Et en même temps, ça donne un récit qui est assez rythmé aussi parce qu'il y a une contrainte d'espace qu'on se donne. J'ai l'impression à travers ça parce que souvent avec le web, on peut aussi en faire un peu trop parfois. Oui, je me suis aussi donné une contrainte de temps parce que c'était surtout ça, moi, de mon côté. C'était de me dire par semaine combien de temps je consacre à ça. Avec ma job à côté et puis avec ma vie de famille. Mais ça m'a aidé justement à me structurer et puis je pense que le format blog, à partir du moment où on le diffuse sur internet, les gens aiment bien lire 2-3 pages et puis dès que ça va un peu plus loin, au bout d'un moment ils décrochent et puis on a eu une époque où quand ils regardent quelque chose sur leur téléphone, faut que ça soit short and sweet, sinon c'est déjà trop. Et en même temps, comme vous l'avez dit, ça arrive un peu dans un contexte où il y a pas tant de regards de père sur la grossesse, en fait, sur la paternité, oui, mais sur les 9 mois qui la précèdent, on reste un peu dans un flou avec cette impression collective, j'ai l'impression, de servir à pas grand-chose. Alors, de voir, j'ai l'impression de partager, c'est peut-être un peu un des premiers attraits d'un album comme celui-là, c'est de voir que ce qu'on vit, nous, est pas nécessairement exceptionnel, on le vit tous chacun à notre façon, avec notre bagage aussi de référence, mais il y a un côté universel un peu à cette expérience-là et à cette angoisse-là aussi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert aussi. Au début, je me demandais si j'étais tout seul à me poser ces questions-là ou avoir ces doutes-là. Et puis très rapidement, effectivement, j'ai eu beaucoup d'échos de la communauté sur le web et puis de papa qui m'écrivait, qui me disait que c'était la même chose de leur côté ou que eux, il y avait d'autres choses qui les inquiétaient. Alors du coup, j'essayais d'orienter mes prochains épisodes là-dessus pour voir un peu plus. Moi, ça m'a aussi forcé beaucoup à faire des recherches et puis à en parler avec ma blonde beaucoup, donc c'était super intéressant de mon côté aussi parce que il y avait des sujets où fallait que j'aille creuser un peu plus et ce que moi je ressentais et me renseigner un peu plus pour pas dire n'importe quoi non plus. Oui, puis il y a des sujets qui sont, on tombe pratiquement même, j'ai envie de dire, dans des planches documentaires, comme quand on parle des étapes de la procréation médicalement assistée, on sent que c'est documenté justement puis que vous ne dites pas n'importe quoi. Ouais, je pense que c'est important, surtout sur des sujets comme ça où où on veut s'assurer que le public qui nous lit en reparte nourri et avec des bonnes informations. On veut s'assurer aussi qu'on ait des sources sûres. Donc oui, j'ai fait un petit travail à côté. Puis c'était utile pour moi aussi, vu que de toute façon j'étais dans le process et que ça suivait vraiment la grossesse de ma femme. C'était vraiment utile pour moi. Et donc à travers ça, au fil de ces 9 derniers mois, on parle donc des craintes qu'on les perd au fil de la grossesse, de la perte d'intimité qu'on anticipe suite à la naissance, du conflit entre la liberté qu'on souhaite conserver et le rôle de père qu'on va devoir assumer. Puis ce dernier thème-là devient un peu l'arc principal, si on peut dire, de ce blog-là. Donc l'idée d'accepter de vieillir, d'accepter de quitter l'adolescence pour devenir un adulte en bonne et due forme, avec les responsabilités liées à la paternité. Oui, moi je pense que ça a été vraiment, en tout cas pour moi, pour mon expérience, ça a été vraiment mon vrai passage à l'âge adulte. J'ai eu mon fils à l'âge de 32 ans. Je devais être adulte depuis très longtemps, mais en fait, j'avais pas fini ma transformation complète. Je pense que avoir un enfant, moi, ça m'a permis de régler quelques trucs que j'avais encore laissés de côté, de prendre des décisions que j'avais jamais prises dans ma vie. En tout cas, de mûrir et d'être sûr que j'avais 9 mois pour me préparer pour que quand mon fils arrive, je sois le papa que je voulais être pour lui. Et je pense d'ailleurs, dans ce registre-là, la plus chouette ou la plus cocasse et plus sérieuse aussi description que j'ai trouvée de votre album, c'était, et je cite, quelqu'un qui décrivait ça comme le carnet d'une existence en pleine métamorphose. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une grosse transformation et puis des doutes. Qui sont difficiles au début parce qu'on se demande si on a le droit de douter, surtout nous, dans notre situation où on a passé 3 ans et demi avec ma femme avant en traitement avec des problèmes de fertilité pour essayer de faire un enfant et puis qui ont complètement échoué à la fin. On avait en fait abandonné et puis on était sur le processus de réfléchir à l'adoption et puis ça a été un petit miracle de la vie complètement par hasard elle est tombée enceinte, mais je suis quand même passé par la case de me demander si j'étais prêt ou pas, alors que j'estimais que comme ça faisait 3 ans et demi qu'on attendait, il n'était plus question de reculer ou de dire que j'en voulais pas. Mais je pense que c'est un processus naturel de un moment devoir se poser la question et puis de décider une bonne fois pour toutes, ok, on y va. Oui, effectivement, puis de la notion du non-choix, en fait, je veux dire, quand le bébé, il est là, il est dans le ventre, on sait qu'il va arriver, il y a une échéance, donc ça force un lâcher-prise, d'une certaine manière. Exactement. Et tout ça dans un contexte aussi, parce que l'autre élément qui frappe, évidemment, nonobstant la thématique du récit, c'est le choix de couleurs, en fait. Je pense que c'est la première chose qu'on remarque quand on le feuillette, c'est des couleurs marquées, presque fluorescentes, ça donne une ambiance très pop, très légère, très lumineuse à l'album. Qu'est-ce qui a motivé un peu ce choix-là, Cookie Calcaire? J'ai toujours travaillé dans des couleurs très très saturées et très lumineuses. Je pense que j'avais aussi une volonté d'être très positif avec cet album, de pas tomber trop dans le sérieux, d'être très léger, donner une vision vraiment positive de cette aventure de la vie. Et du coup, ces couleurs-là, ça m'a permis ça au début. Et puis, je me suis amusé un peu, je me suis donné des contraintes. C'est que je travaille toujours avec les 5-6 mêmes couleurs à travers tout l'album, ce qui me permet de toujours faire les mêmes mariages de tons. Mais, par exemple, les personnages changent de couleur dépendamment de leurs émotions, du tout au tout. Il n'y a aucune règle, en fait. Je me suis vraiment libéré de tout. Si je commençais un épisode et que j'avais envie que ma femme soit de couleur bleue et moi de couleur verte, on y allait, en fait. C'était vraiment intéressant. Oui, puis j'ai l'impression que ça peut permettre de jouer sur, parce que c'est des personnages aussi qui sont très expressifs, que vous dessinez, et en même temps avec la couleur, avec l'expression du visage qui est marquée, qui est claire, en une image on peut capter la situation. Puis si on y va avec une limite d'espace, il faut maximiser vraiment au le plus possible, dans le fond, ce qu'on va en faire. Oui, je pense que c'est un autre outil pour moi d'émotion. Comme c'est beaucoup du dialogue, ce que je raconte, et puis toujours à peu près les mêmes personnages, j'ai pas un énorme travail sur les décors ou sur les lieux ou sur les perspectives. C'était pas des outils qui étaient intéressants pour moi pour la narration que je voulais faire. Par contre, la couleur me permettait d'amener vraiment quelque chose de différent. Et puis quand j'ai travaillé notamment la couverture de l'album, qui est vraiment jaune pétante avec un personnage rouge au milieu, ça m'a confirmé ça, en fait, que j'avais vraiment un bon outil pour exprimer ce que je voulais. Et en même temps, justement, dans un contexte où toute l'attention est mise là-dessus, parce que vous l'avez mentionné, il y a pratiquement pas de décor. Je veux dire, c'est des couleurs aussi, des aplats en arrière. Donc, vraiment, tout l'accent est mis sur l'expressivité, sur les personnages, sur les dialogues. C'est ça qui est important. C'est pas le où, mais c'est le quoi. Oui, absolument. Et dans tout ça, comment s'est passé peut-être un peu en terminant la transition du web vers le papier? Donc, une fois que les arènes ont proposé le projet, est-ce qu'il a fallu quand même redessiner, remettre en scène, refaire des ajustements? J'ai eu beaucoup de chance et je remercie encore les arènes de m'avoir proposé ça, parce qu'ils ont été très, très ouverts. Quand ils m'ont contacté, le blog allait finir dans 2 mois, je pense. Il me restait quelques épisodes. Et d'office, de même, ils m'ont dit on va publier exactement ce que t'as publié sur le net. Si toi tu veux rajouter des épisodes ou faire des changements, vas-y. Mais nous, on est prêt à imprimer exactement ce que t'as proposé. On va trouver des solutions pour les couleurs, on va trouver des solutions pour les textes. On va se débrouiller. Mais eux sont arrivés avec l'idée que d'après eux, la population qui lit des BD sur le net voit pas forcément de problème à acheter ensuite une version papier, qui moi était l'idée qui, au début, quand ils m'ont contacté, je me suis dit ah oui, mais ils vont pas vouloir en fait qu'on publie quelque chose qui a déjà été gratuit sur le net. Mais au contraire, je pense qu'ils ont découvert ces dernières années que le marché est pas forcément noir et blanc là-dessus, que des gens lisent un peu sur le net, mais ils sont contents d'acheter la version papier. Puis moi, j'ai beaucoup de fans d'ailleurs qui ont racheté la version papier, qui me disent qu'ils sont vraiment très contents de le lire en une fois et puis d'affilée, que c'est beaucoup plus confortable et que c'est un objet, donc c'est rassurant. Donc non, ça a été une super expérience et j'ai vraiment pas eu beaucoup de modifications à faire grâce aux arènes. Ah ben, on invite les gens évidemment à y jeter un coup d'œil. Cookie Calcaire, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Merci, bonne émission. Merci. Et je rappelle Cookie Calcaire, donc, qui est auteur, dessinateur, donc, des 9 derniers mois de ta vie de petit con, un album qui a été publié tout récemment du côté des arènes, un regard, donc, sur la grossesse, sur la paternité, mais du point de vue masculin. Dernière ligne droite de la vie en BD, dernière ligne droite qu'on passe en compagnie de Michel Giguère, spécialiste de bande dessinée, animateur des rendez-vous de la BD. On profite justement, comme d'habitude, de sa thématique du mois pour l'aborder nous aussi ici à l'émission, peut-être un peu mettre la table aussi autour de la rencontre, prochaine rencontre d'ailleurs qui aura lieu le mercredi 14 septembre sous la thématique de l'intime et l'érotique. Michel Giguère, bonjour. Hey, salut Raymond et à tous tes auditeurs. Et je mentionne d'ailleurs, Michel, l'intime et l'érotique, c'est le grand titre. Il y a un sous-titre aussi que tu as accolé qui est « Le choix de l'animateur ». Qu'est-ce qu'on doit comprendre par le sous-titre? Ouais. Ben, c'est parce que la présentation de ce soir, c'est en quelque sorte une suite. Alors là, c'est pas une raison pour pas venir, vous avez rien manqué. Mais c'est juste qu'en septembre 2012, il y a précisément 4 ans, j'avais reçu Jimmy Beaulieu. Et déjà, à l'époque, je jumelais la visite des BDistes à un thème. Et c'est pour parler de l'intime et l'érotique, carrément, que j'avais lancé l'invitation à Jimmy au détour d'une conversation impromptue au festival. Et lors de la rencontre devant le public, le grand soir, on avait présenté son parcours, son œuvre, quelques-uns de ses coups de cœur de la BD érotique, évidemment. Dans son cas, c'était parfois simplement des scènes sensuelles. Et sauf que de mon côté, moi, j'étais resté avec des images que j'avais choisies au cas où, et resté aussi avec être dans le vocabulaire du propre à notre thème, j'étais resté avec le désir inassouvi de partager mes propres coups de foudre à moi. D'où le titre, Le choix de l'animateur. Et tu vas aborder donc dans ce contexte-là le genre érotique avec un angle spécifique. On devine presque en fait, si je lis le texte de présentation de la soirée, les gens vont peut-être comprendre ce que je veux dire. Tu écris, et je cite, « Le développement depuis une vingtaine d'années d'une certaine bande dessinée intimiste a laissé se profiler derrière le voile des idées reçues les contours d'une sexualité qui mettrait l'accent sur le couple, sur le sentiment amoureux ou sur un érotisme non machiste. Pour aborder un sujet toujours perçu comme audacieux, nous avons choisi pour vous de magnifiques scènes sans pudeur. Alors, peux-tu développer un peu autour de ça? Ben oui. C'est-à-dire que la présentation de ce soir, de mercredi soir, est surtout l'aboutissement d'une longue réflexion sur la représentation de la sexualité en BD. J'ai retrouvé dans mes archives un autre texte qui, quand même, témoigne de la longévité de ma réflexion, parce que c'est un billet qui remonte à décembre 92, paru dans le bulletin de liaison de l'ASCA BD, la Société des créateurs et amis de la bande dessinée, en réaction à une exposition autour de la BD érotique et un peu pornographique qui avait eu lieu. Et moi, j'avais intitulé mon texte de façon un peu provocatrice, le sexe, une discipline olympique, point d'interrogation, parce que la majorité des planches exposées relevaient de la prouesse physique. Or, la sexualité, c'est infiniment plus que ça, et la bande dessinée des dernières années témoigne justement de la pleine mesure de la sexualité, parce que elle peut s'expérimenter à l'intérieur d'une relation amoureuse, bien sûr, mais quand bien même les partenaires sont pas vraiment amoureux, ils en sont pas moins partenaires, justement. Il y a deux personnes, deux êtres qui sont envahis par le désir, qui se découvrent, qui s'explorent. Il y a quelque chose de vertigineux quand on y pense à basculer comme ça subitement avec une autre personne qu'on connaissait pas cinq minutes avant dans la plus stricte intimité. Et par-delà la dimension génitale, si on veut dire, eh ben il y a plein de psychologie, il y a des émotions fortes. Alors pour un créateur, pour un auteur, il y a là tellement de matière dramatique, tellement de suspense possible autour de, par exemple, la montée du désir. Il y a tellement d'intensité si les amants concluent, entre guillemets, que c'est fou de penser que pendant des décennies, ces aspects-là étaient si peu exploités. Et tout ça dans un contexte où quand même en BD, il y a eu des noms qui sont imposés. Il y a eu une BD érotique qui a été très présente, des gens comme Manara, comme Serpieri, comme Crépax. Oui, ben tu remarqueras que tu as nommé que des auteurs italiens. Doit-on conclure que les Italiens sont particulièrement obsédés par la chose? Ben sérieusement, t'as tout à fait raison. C'est d'immenses dessinateurs. J'ajouterais aussi les Français Alex Varenne et Jean-Claude Forest, par exemple, qui ont, entre autres Forest, qui a créé Barbarella au milieu des années 60. Manara, oui, est probablement le plus apprécié d'un large lectorat. Il s'est imposé dans les années 80, je pense, chez un public pas juste masculin, parce que son trait était tellement élégant, ses personnages étaient tellement beaux esthétiquement parlant. Sauf que c'est des exemples assez représentatifs, voire emblématiques, d'une BD coquine, qu'on désignait BD adulte à l'époque, qui a longtemps été machiste, justement. En tout cas, tout au moins qui offrait une vision masculine. En ceci que ça nourrit essentiellement les fantasmes des lecteurs masculins. Et puis, bon, possiblement, là, les peut-être d'un certain nombre de lectrices qui s'enfargeaient pas trop dans le féminisme. Il y a certaines incarnations de papier, là, de ces fantasmes-là, qui sont des femmes émancipées ou aventureuses. Mais bien souvent, les scènes s'articulent selon une dynamique quand même de domination où est-ce que la femme subit. Bon, elle peut être consentante, elle peut même initier l'affaire. Mais la mise en scène représente pas vraiment un couple, mais plutôt au premier plan la nudité de la femme, son plaisir. C'est un peu l'archétype trop répandu de la femme objet, celle qu'on regarde, qu'on désire, celle qu'on prend, avec laquelle on joue et on jouit en tout égoïsme. On n'est plus là, là. Et on a bien compris d'ailleurs que la rencontre va s'intéresser à nos types d'érotisme. On en parlait un peu dans le descriptif. Et si je reprends d'autres termes que tu as mis de l'avant, notamment via Facebook, tu dis la BD érotique était osée, elle est devenue audacieuse. Alors, est-ce que tu peux nous fournir quelques auteurs, quelques titres qui illustrent peut-être un peu cette évolution de l'intime et de l'érotique dont tu nous parles? Ben oui, pour nous mettre en appétit, je vais projeter des planches qui offrent un très large éventail. Blutch, Rupert et Mulot, Laureline Matuissi, Viviane. Il y aura quelques exemples de sexualité désenchantée, si on veut, comme dans Venin de femme de Prado, qui a été réédité sous le titre Après l'amour. Autre exemple de désenchantement, cette fois-ci autobiographique, 23 prostituées, où est-ce que Chester Brown, après une rupture vraiment difficile, prend la résolution de plus s'amouracher, de plus avoir de relations sentimentales avec les femmes, sauf qu'au bout de 3 ans, ben il se peut plus, fait qu'il se résout à fréquenter les péripatéticiennes, comme on dit. Mais ensuite, au désenchantement, ben je vais opposer la candeur, l'émerveillement, l'innocence, à travers des albums très forts, tant sur le plan visuel que narratif. Par exemple, la saison des anguilles de Lapierre ébahie, où un simple d'esprit se crée un oasis d'intimité au milieu de sa famille, une riche famille dysfonctionnelle. Il y a la brique Abibi de Craig Thompson, une fable puissante, sensuelle et cruelle en même temps, digne des Mille et Une Nuits. Un album moins connu, mais très dérangeant, Tu ne mourras pas, qui soulève un tabou sensible et très épineux, c'est-à-dire une relation amoureuse complète entre une jeune femme et un enfant. Alors, c'est un peu l'aberration qui est servie dans un écrin de beauté parce que il y a le pinceau si distinctif d'Edmond Baudouin, mais aussi un texte poétique de l'écrivaine Bénédicte M. Et puis, on va toucher au mythe du retour à l'état sauvage, un peu à la pureté originelle, si on veut, en pleine Amazonie, avec Emmanuel Lepage. On va survoler l'histoire du monde de la sexualité aussi, je le dis un peu à la blague, mais on va partir d'Adam et Ève dans la Genève de Crum jusqu'au goulag soviétique. Bernard Isler va marier le sexe et la mort dans une fable antiterroriste, donc on va être en pleine époque, en plein 21e siècle. Isler qui nous répète « Faites l'amour, pas la guerre », tout en nous posant une bonne question. Pourquoi la sexualité crue serait-elle plus choquante que la violence organisée? Et Michel Giguère, nous reste à peu près quoi, 1 minute, 2 minutes? Je te lance une question. En fait, j'imagine qu'il y aura des histoires entre l'artiste et son modèle. On pense à Baudouin, par exemple. Oui, puis 2 fois plutôt qu'une dans son cas, mais aussi, si tu y penses, Frédéric Boilet, qui fait ses bandes dessinées d'après photo, puis qui développe la plupart du temps des relations très intimes avec ses propres modèles pour faire ses BD. Et un autre qui est plein de potentiel, que je pense qu'il va faire sa marque, qui s'appelle Pablo Picasso. Oui, évidemment, avec la série Pablo. Et d'ailleurs, en fait, dans les descriptifs, dans les mentions que tu fais, tu n'as pas fait allusion à l'homosexualité. Tu as retenu aussi, j'imagine, des scènes entre amantes de même sexe. Ouais, ben là, un album qui s'impose, Le bleu est une couleur chaude, qui a été porté à l'écran, plusieurs titres de Jimmy Beaulieu, et puis aussi le très chaste Blue de Kiriko Nananan, qui est un récit à fleur de peau. Et ces BD-là mettent en scène, Michel, des lesbiennes du côté masculin? Ah, ben là, c'est plus délicat, hein, parce que, tu sais, en télé ou cinéma, c'est de bon ton d'avoir un personnage gay, sauf que le public, en général, ils trouvent ça correct comme ça, ils tiennent pas tant que ça à aller voir dans l'intimité, c'est encore un tabou étonnamment tenace. Alors, moi, ben, je vais montrer quand même des scènes, parce qu'il y en a, il y a des belles bandes dessinées qui osent représenter l'homosexualité masculine. Et finalement, je vais conclure cette soirée qui promet d'être chaude, avec un autre tabou rarement abordé dans la culture, pourtant dans notre société, notre civilisation qui est vieillissante, c'est-à-dire la sexualité des personnes âgées. Alors, ben, enfin, un panorama, donc, tu nous offriras, je le rappelle, c'est mercredi 14 septembre, l'intime et l'érotique à la Bibliothèque Gabriel Leroy, donc début de la 24e saison, d'ailleurs, des rendez-vous de la BD. Michel Giguère, à mercredi et au mois prochain? Oui, je vous attends mercredi. Excellent. Ah ben voilà, donc, et je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas de réservation nécessaire, mais c'est premier installé, premier servi. Alors nous, c'est ainsi qu'on va terminer l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on aura avec nous Alain Dufour pour la saison des louanges, Christian Quesnel pour ASCII, Régent Gariepi pour les versets satiriques dans un spécial moelle graphique. C'était Raymond Poirier au micro, c'était un plaisir d'être avec vous cette semaine. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.